بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، donc on reprend nos cours de tafsir inshallah ta'ala, et nous sommes dans sourate al-layl. Surat al-Layl. On avait déjà expliqué un deux tiers de la surat à peu près, et nous sommes arrivés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lana lal-akhirata wal-oula. Yani lana al-akhira wal-oula. Wal-oula mutaqaddima ala al-akhira fi zaman. لكنه في هذه الآية أخرها لفائدتين، الفائدة الأولى معنوية والفائدة الثانية لفظية. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Et certes nous appartient l'akhira et la première, yani la première vie, hein, c'est-à-dire Allah appartient l'akhira, la vie d'après, après la mort, et la première, et la première vie. Vous savez tous que la première vie, elle précède l'akhira au niveau du temps. Hein, on est déjà dans cette vie-là, dans la dunya, et après la mort, il y a l'akhira. Tayeb, même si, si on veut rentrer en détail, d'un point de vue chronologique, on peut diviser en trois. Hayatu dunya, cette vie, hein, dans la dunya dans laquelle nous sommes en ce moment même. Et après la mort, c'est quoi? Al-hayatu barzakhiyya, al-barzakh. C'est-à-dire la vie intermédiaire entre cette dunya et entre la demeure finale qui est al-jannah wal-nar, le paradis ou l'enfer. Et après, yani al-akhira, yani un yom al-qiyama, avec le jugement et les comptes, puis hein, tout ce qui se passe, hein, après Yom al-Qiyama, et soit la personne est jetée au feu de l'enfer, soit elle est, hein, installée au paradis. Al-Muhim. Ici Allah Azza wa Jalla nous dit wa inna lana lal-akhirata wal-oula. Il mentionne l'akhira avant de mentionner la première vie, la vie de la dunya. Malgré le fait que, d'un point de vue chronologique, dans le temps, c'est quoi qui est en premier? La dunya. Mais ici, Allah Azza wa Jal a retardé l'oula, la première vie, contrairement à l'akhira, pour deux principaux bénéfices ou enseignements. Le premier, un enseignement au niveau du sens, de la signification. D'accord? Et le deuxième, au niveau du mot en lui-même. Amma al-ma'nawiyya fali'anna al-akhira aham min al-dunya. Au point de vue de la signification, comme vous êtes tous censés le savoir, l'akhira est beaucoup plus importante que la dunya. Hein? Comme il est dit, « Ad-dunya darul amal. » والآخرة دار الجزاء. La dunya, cette dunya, c'est une demeure de quoi? D'œuvre. Tu œuvres. Tu travailles. Tu travailles pour quoi? Pour l'akhira. Et l'akhira, c'est ta demeure de la rétribution. Soit le châtiment de l'enfer, soit les délices du paradis. Donc, l'akhira est plus important que la dunya. Ça va de soi. ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما. Également, dans l'آخرة, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala sera manifeste, sera apparente de manière complète, de manière évidente. في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما أعطاهم الله عز وجل من الملك لكن في الآخرة لا ملك لأحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فلهذا قدم ذكر الآخرة من أجل هذه الفائدة المعنوية. En effet, le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala sera manifeste, sera évident. Dans cette dunya, il y a des présidents, il y a des rois, il y a des gouverneurs qui possèdent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme royauté. N'est-ce pas que les rois, ils ont un royaume, les présidents président un pays. Les gouverneurs gouvernent un pays. Ils ont ce qu'Allah leur a donné comme royauté et autres. Mais yom al-qiyama, il n'y aura plus aucun roi. Il n'y aura plus aucun gouverneur. Il n'y aura plus aucun président. Et il est rapporté dans un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dira yom al-qiyama, an al-malik, ayn al-muluk. أين الجبار أو أين المتكبرون؟ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى dira c'est moi le roi, c'est moi le souverain. Où sont les rois de la terre maintenant? Où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil? Où sont les tyrans? Disparu, c'est fini. Donc يوم القيامة le royaume d'Allah سبحانه وتعالى sera rendu manifeste, soit évident. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et en ce jour le royaume appartiendra à Allah l'unique, le suprême subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela mes frères que le mot al-akhira a été devancé ou a été privilégié ou a été mis en premier par rapport à la dunya. Ça, c'est au niveau du sens, la signification. أما الفائدة اللفظية فهي مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات كلها آخرها ألف. Également, c'est afin de quoi? De respecter dans les versets, la fin des mots, la fin de chaque mot. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne Inna alayna lal huda. Ça finit par quoi? Alif. Wa inna lana lal akhirata wal oula. Alif. Fa anzartukum naran talazza. Alif. La yaslaha illa al ashqa. Alif. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alif. وسيجنبها الأتقى ألف الذي يؤتي ما له يتزكى ألف وما لأحد عنده من نعمة تجزى ألف إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ألف ولسوف يرضى ألف. Donc si on avait mis l'akhira en deuxième, il n'y aurait pas eu la succession de alif dans les versets. Hein? Et vous savez tous que le Coran, hein, chaque mot a une place, a sa place, et Allah Azza wa Jalla a choisi l'emplacement de chaque mot pour, par sagesse. Et personne n'est capable de venir avec, hein, une parole semblable au Coran. Personne. Et Allah a mis au défi les gens. Venez avec un Coran semblable. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché du verset. Hein, et si ce Coran provenait des gens, vous aurez vu beaucoup de divergences, d'incompréhensions. Ensuite, Allah demande, elle les a mis à défi. Venez donc avec une sourate. Ils ne sont pas capables. Et après, ils les ont mis au défi. Et venez avec un verset. Personne n'en est capable. Bien sûr, hein, durant l'histoire, hein, des charlatans ont essayé, hein, selon leurs prétentions, d'imiter le Coran, mais ils ne sont pas arrivés. Hein. Comme qui, par exemple? Moussaïlama, al-Khatm. Hein? Wa ma adraka mal fil. Hein? Mal fil, wa mal fil. Wa ma adraka mal fil. Hein? المهم فإن قيل إن الله سبحانه وتعالى قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فما الفرق؟ الجواب الفرق أن الهدى التزم الله تعالى ببيانه وإيضاحه للخلق أما الملك فولله ملك الآخرة والأولى ولهذا قال وإن لنا للآخرة والأولى. Et donc si quelqu'un demande c'est quoi la différence entre inna alayna al-huda, hein, et c'est à nous qu'incombe la guider, et c'est à nous qu'appartient al-akhira et la première vie, la dunya, c'est quoi la différence? La différence c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, s'est obligé de clarifier et de rendre clair à la création cette guidée, hein. Alors que le royaume, al-mulk, la royauté, hein, elle appartient à Allah. Et c'est la royauté de l'akhira, de la vie dans l'au-delà et de la vie de la dunya. C'est pour ça qu'Allah dit wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Thumma qala azza wa jalla fa anzartukum naran taladha. Fa anzartukum يعني khawaftukum. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite ici il mentionne, hein, et je vous ai averti, yani je vous ai fait peur. Avec quoi? Avec un feu, naran, yani biha narul akhira. Il a averti, il a fait peur aux gens. Avec quoi? Avec le feu de l'akhira, yani le feu de l'enfer. T'as la voix, yani il l'a décrit, un feu qui flambe, qui est brûlant, hein. يعني كي فلام ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة. Et le feu de l'enfer a été décrit par de nombreuses caractéristiques dans le Coran et la Sunna. Hein? Et on aura le temps de voir dans le reste du tafsir d'autres caractéristiques du feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Et il lui a donné aussi des noms, hein, des autres noms. Hein? لا يصلها إلا الأشقى. لا يصلها يعني لا يحتلق بها. Et ici il mentionne ensuite Allah, et personne ne sera atteint ou brûlé par ce feu إلا الأشقى, excepté الأشقى. الأشقى يعني الذي قدرت له الشقاوة, والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار وقوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة. Donc personne ne sera brûlé dans le feu excepté al-ashqa. Al-ashqa c'est ceux à qui a été destiné quoi? Le malheur, la détresse, la perte. Hein, al-shaqawa en arabe, c'est le contraire de as-sa'ada, du bonheur. Donc as-shaqawa, c'est ceux qui ont été atteints par al-ashqa, c'est ceux qui ont été atteints par as-shaqawa. C'est-à-dire ceux qui ont été atteints par la détresse, par la perte, par le malheur. Et vous pouvez voir dans les traductions en français, ils le traduisent par les damnés. Hein ? Les damnés, je crois, je ne sais plus si on prononce le N. Damnés, hein ? Damnés, les damnés, on ne prononce pas le M. Il y avait une lettre, je sais, mais vous ne prononcez pas. Les damnés. Hein ? Et ceux à qui le feu est destiné. Ceux à qui l'enfer est destiné, hein, selon la langue française. Al-Muhim, sachez, connaissez le sens que Al-Ashqa, c'est ceux qui sont en perdition, qui sont en détresse, qui sont dans le malheur. Et le contraire des bienheureux. Et ça, on le retire de quoi ? Dans la parole d'Allah, dans Surat Al-Hud. Hein ? Et quant à ceux qui sont en détresse, en perdition ou dans le malheur, alors ils seront dans le feu. Alors que ceux qui ont été bienheureux, ils seront fil Jannah. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى. Donc ici le sens de Ashqa, c'est ceux à qui on n'a pas écrit le bonheur, et donc c'est ceux qui seront jetés ou brûlés dans le feu de l'enfer, le feu qui flambe. ثم بين هذا بقوله. والله j'aimerais bien qu'on détaille et qu'on détaille encore plus, parce que là c'est un sujet très important. Mais premièrement, le temps est court et j'aimerais vraiment finir sur tel lay pour de bon cette fois-ci. Et deuxièmement, tout au long de Juz Amma, le mention du feu de l'enfer et même dans Juz Tabarak va être mentionné. Donc on aura le temps de voir plus de détails sur ça, bi'idhnillah. ثم بين هذا بقوله الذي كذب وتولى. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ceci en disant celui qui a démenti et qui s'est détourné. At-takdhib fi muqabil al-khabar wa at-tawali fi muqabil al-amr wa an-nahy. Fa hadha kadhdhab al-khabar wa lam yusaddiq. Donc, le premier, le mensonge, le fait de démentir, le fait de rendre mensonger concernant l'information, ce qui lui a été rapporté. والتولي يعني le fait de se détourner de l'ordre qu'Allah lui a demandé et des interdits qu'il a demandé de s'écarter. Donc celui-ci, il a démenti quoi ? Les informations, il ne les a pas rendues véridiques. قيل له إنك ستبعث. قال لا أبعث. On lui a dit tu vas être ressuscité. Il dit je ne serai pas ressuscité. قيل له هناك جنة والنار. On lui a dit ici il y a le paradis. On lui a dit il y aura le paradis et l'enfer. قال ليس هناك جنة والنار. Il dit non, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. قيل له سيكون كذا وكذا. قال ما يكون. On lui a dit il y aura telle chose. Il dit non, il n'y aura pas toutes ces choses. هذا التكذيب. C'est ça le fait de démentir, le fait de rendre mensonger. Dans le Coran est venu. On lui a dit tu vas être ressuscité. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, on ne sera pas ressuscité. On leur a dit il y a le paradis et l'enfer. Non, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas l'enfer. Après la mort, on est dans la terre, on est mangé par les vers et c'est fini, il n'y a plus rien. C'est les Quraysh qui disent. Les associateurs, non. Les associateurs de Quraysh, ils rejetaient quoi ? La résurrection, al-ba'th. Mais bien sûr, ça équivaut à tout le monde. Là, on parle de qui ? C'est général. Le verset, il est général. Il parle de l'Ashqa. Les perdants, ceux qui sont dans leur perte. Ceux qui sont dans leur perdition. Le verset est général pour tout le monde. Et Tawalla, il s'est détourné. C'est-à-dire, il s'est détourné de quoi ? De l'obéissance à Allah. Il s'est détourné de ce que les messagers ont rapporté. C'est lui le malheureux, le perdant, le damné, comme ils disent. C'est lui. Et il en sera écarté. Il sera écarté de quoi ? Du feu de l'enfer, le feu qui flambe. Un alam de la voix. Qui ça ? Qui va être écarté ? Al-Adqa. Attention, hein, beaucoup, surtout les enfants, quand ils récitent le verset, et quand ils récitent la sourate, ils se trompent. Hein, ils mettent l'Ashqa en premier, l'Adqa en deuxième, hein, ou l'Adqa en premier, l'Ashqa en deuxième. Le sens est totalement différent. Le sens est totalement différent. Tu changes tout le sens. Voilà pourquoi il est important de comprendre. C'est important de comprendre le sens des versets pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Hein, comme l'erreur qui est très fréquente qu'on est passée dans le Bayina. Ou la Ikahoum, Sharrul Bariya. Eux disent Khayrul Bariya en parlant des kofars. Et Sharrul Bariya en parlant des croyants. Le pire des la créature pour les croyants et les meilleures des créatures pour les kofars parce qu'ils se trompent, parce qu'ils ne comprennent pas le sens. Et hein, comme les versets se ressemblent, bah, ils mélangent. Et le sens est complètement à l'opposé de ça. Donc là, c'est pareil. الأتقى اسم التفضيل من التقوى يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاته الأتقى c'est-à-dire hein, ceux qui craignent ou ceux qui font preuve d'une taqwa véritable. Je vous rappelle, taqwa c'est quoi? Taqwa, comme l'a défini qui? Talq ibn Habib, hein, ce tabi'i, hein, qui est une des meilleures explications de taqwa. C'est quoi? C'est que tu œuvres hein, dans l'obéissance d'Allah avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire une science venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et tu t'écartes de la désobéissance à Allah avec une preuve venant d'Allah en ayant peur d'Allah. Ça, c'est taqwa. Ça, c'est taqwa. Hein, donc, ils le traduisent par la crainte pieuse, mais voyez bien que vous la piété. Vous voyez bien que là, hein, ce mot, il n'englobe pas la vraie définition. Donc, c'est qui seront écartés du feu de l'enfer? Al-Atqa. Hein, ceux qui ont une taqwa véritable. Hein? Vous comprenez? Al-Ladhi yu'ti ma lawu yatazakka. Ya'ni... يعطي ما له من يستحقه على وجهه يتزكى به. Celui qui donne son argent hein, pour se purifier. يعني, c'est-à-dire, il donne son argent, ses biens à lui. Hein, c'est mieux de traduire ses biens, parce que le mal, c'est pas uniquement l'argent, ça englobe les biens. Il donne ses biens à celui qui le mérite. Mais à quel but? À un but de se purifier. Il se purifie en donnant cette zakat, cet argent. Maman a zakat fil loura. Là. Hein? At-tahara. Zakat fil loura, at-tahara. C'est le fait de se purifier. Et quand tu donnes la zakat de tes biens, tu purifies tes biens en donnant ce que Allah Azza wa Jalla t'a demandé de donner. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Tauba, hein, et prends, yani ya Muhammad, prends de leurs biens une sadaqa, une aumône. Afin de quoi? Afin de les purifier. Tutahhiruhum. Tu les purifies quoi? De leurs péchés. Tu les purifies de leurs péchés, de leur désobéissance. Wa tuzakkihim biha. Ici, tuzakkihim biha, comme on dit al-mufassirun, c'est-à-dire quoi? Et tu augmentes leurs biens par cela. Allahu Akbar. Ici, un bimana, un nama, le fait d'augmenter, d'accroître les biens. Donc quand tu donnes un sadaqa, subhanallah, Allahu Akbar, mes frères, subhanallah, répétez, méditez sur ça. Lorsque tu donnes un sadaqa, Allah Azza wa Jal nous dit que ça quoi? Ça te purifie premièrement de tes péchés, de tes désobéissances, mais en plus, ça te permet d'augmenter tes biens. Imaginez-vous, mais ce bienfait, cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui dit même dans le Coran. Wa salli alayhim. Attention, là, si dans certaines traductions, on dit « et prie sur eux », ça ne veut pas « prie sur eux » ici. « Et invoque pour eux ». Parce que « as-salaf » il l'aura, « bimana » « ad-du'a », l'invocation. Ici, ce n'est pas le fait de prier, mais c'est le fait d'invoquer pour eux. Hein, d'invoquer pour eux. Car certes, ton invocation est une quiétude pour eux. « فَقَالُهُ الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى يُفِيدُ أَنَّا لَا يُبَذِّرْ وَلَا يَبْخَلْ وَإِنَّمَا يُؤْتِ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ بِهِ التَّزْكِيَةِ » Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, au sens approché, celui qui donne son argent pour se purifier, c'est-à-dire, c'est pas celui qui gâche ou qui gaspille, je cherchais le mot, qui gaspille son argent, ou celui et l'autre qui avare, qui retient son argent. Mais plutôt, c'est celui qui donne son argent afin de quoi ? Afin de se purifier. وَضَابِتُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا. Et c'est quoi la règle dans le fait de donner l'argent ? C'est quoi la balance ? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Sourate Al-Furqan, au sens approché, et ceux qui dépensent, ils ne gaspillent pas, et ils ne retiennent pas leur argent de manière avare, mais plutôt ils sont sur le juste milieu. Najid, بعض الناس يعطيه لا مالا ولكنه يبخل يخطر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به. On voit des gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des biens en profusion, leur a donné de l'argent, beaucoup d'argent, et tu les vois, ils sont avares, ils sont avares, ils dépensent pas. Ils sont même avares dans les choses obligatoires. Dans ce qui est obligatoire pour eux de donner, ils ne le font pas. Ils ne donnent pas à leurs femmes. Ils ne donnent pas à leurs enfants. Ils ne donnent pas à leurs proches. وَنَرَى بَعْضَ النَّاسِ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشَّيْءِ وَمَا هَذَا يَذْهَبُ يَتَدَيَّنُ من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان. Et à l'opposé, tu vois des gens, Allah leur a donné leur subsistance, mais il les a restreints dans le reste, il les a pas donné de la suffisance, il n'y a pas donné plus. Il a juste de quoi manger. Et tu vois, il va à gauche, à droite, prendre des dettes. Pour faire quoi ? Hein, pour terminer sa maison, afin que sa maison soit aussi belle que la maison d'un tel ou d'un tel. Ou il va prendre des dettes afin d'acheter une belle voiture, une voiture de luxe, afin d'avoir la même voiture qu'un tel et un tel. L'opposé de l'autre. Lui, il gaspille. Il prend des dettes. وكل المنهجين والطريقين منهج باطل الأول قصر والثاني أفرط والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حاله. Les deux voies, les deux façons de faire sont caduques, sont pas bonnes. Hein? Il y en a un, il a fait preuve de manquement, et l'autre, il a exagéré. Ces deux voies sont non avenantes. Hein, mais ce qui est obligatoire, c'est que la personne dépense selon sa situation. Adhin, c'est l'adhin. Hein? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On termine juste ce point-là, mes frères, on n'aura pas le temps de terminer la sourate, قدر الله وما شاء فعل, mais on termine juste ce point-là. فإن قال قائل هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ Si une personne demande, est-ce qu'il est permis de prendre une dette pour faire une sadaqa? فالجواب لا لأن الصدقة تطوع والتزام الدين خطير عظيم وخطر عظيم لأن الدين ليس بالأمر الهين الهين. La réponse est non, car la sadaqa c'est quelque chose de surérogatoire, c'est pas obligatoire. T'as pas, tu donnes pas. Et le fait de s'obliger à avoir une dette, c'est quelque chose de très dangereux. Les dettes, mes frères, c'est pas un sujet facile, un sujet qu'on prend à la légère. فَالْإِنسَانِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّ نَفْسَهُ مُعَلَّقَ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. La personne, l'individu, si elle meurt, elle a des dettes, alors son âme est rattachée à ses dettes, est accrochée à ses dettes. L'âme de la personne. Jusqu'à que les dettes soient payées. وَكَثِيرٌ مِنَ الْوَرَثَى لَا يَهْتَمُّ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ. Et beaucoup des héritiers du mort, ils ne prêtent pas attention aux dettes du mort. Ils sont négligents. تَجِدُهُ يَتَأَخَّرُ يُمَاتِلُ وَرُبَّمَا لَا يُوفِهِ. Tu vois les héritiers, ils retardent de payer les dettes. Ou des fois ils prennent leur temps, ou même des fois ils ne payent même pas les dettes. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين هل هو وفاء فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'un enterrement, lorsqu'un convoi funéraire passait devant lui, il demandait, est-ce que cette personne a des dettes? Est-ce qu'elle a laissé derrière lui un gage, quelque chose, de l'argent qu'elle doit à quelqu'un? Alors si on lui disait non, qu'est-ce qu'il disait? Alors priez sur votre camarade, priez sur votre compagnon. Qu'est-ce qu'on comprend à l'inverse? Que s'il a une dette, payez la dette avant de prier sur lui. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé que le fait de mourir en martyr dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ça expie toutes les choses excepté les dettes. Allahu Akbar. فالدين أمره عظيم ولا يجوز للإنسان أن يتهاون به. Donc les dettes sont quelque chose de très très très important, et il n'est pas permis que la personne fait preuve de laxisme, fait preuve de négligence à ce sujet-là. D'accord. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. On verra ça la prochaine fois, inshallah. On n'a pas le temps de finir, c'est l'heure de la salah. جزاكم الله خيرا mes frères, وبارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.